2024, observation. Le meilleur et le pire. C'est le pire élève de la classe. C'est un mauvais élève. C'est un élève moyen. C'est un bon élève. C'est le meilleur élève de la classe.